Chant numéro 19. Devant moi paraissaient les ailes déployées, ce symbole éclatant qui, dans le doux fruit, augmentait le bonheur des âmes enchâssées. Et chacune semblait un tout petit rubis dans lequel scintillait le rayon du soleil si fort que ses reflets offusquaient mon regard. Et ce que je voudrais rapporter à présent, l'encre ou la voix jamais ne l'ont écrit ou dit, et l'esprit des humains ne l'a jamais conçu. Je vis et j'entendis cet aigle qui parlait, et sa voix prononçait les mots « je » comme « mon » quand son intention disait « nous » ou bien « notre ». Il dit « pour être juste et fidèle à la foi, je me trouve exalté maintenant dans la gloire qui dépasse de loin le songe des humains. Sur la terre là-bas, mon souvenir demeure, et son exemple est tel que même les pervers en font partout l'éloge et ne l'imitent pas. Et comme dans mon seau de charbons embrasés, une seule chaleur monte, de tant d'amour qui formait ce portrait ne sortait qu'une voix. Je répondis alors, ô fleur perpétuelle du bonheur éternel, qui me fait ainsi sentir tous les parfums à la fois comme un seul, mettez par votre souffle une fin au grand jeûne qui depuis trop longtemps me tenait affamé, car je n'en trouve pas le remède sur terre. Je sais que dans le ciel, il est un autre empire dont forme son miroir la divine justice. Mais le vôtre non plus ne le voit pas voilé. Vous savez que l'esprit s'apprête à vous entendre avec le plus grand soin, et vous savez quel est ce doute. Objet pour moi d'un si durable jeûne. Et comme le faucon, qui sortant de sa coiffe, regarde tout autour et se flatte les ailes et dresse impatient sa tête vers le ciel, tel je vis se mouvoir cet emblème tissé par le cœur des chanteurs de la grâce divine, avec des chants que seuls connaissent les élus. Ensuite il commença. Celui dont le compas fit les confins du monde et répartit en eux les objets que l'on voit et ceux qu'on ne voit pas, n'avait pas mis le sceau de sa toute-puissance dans tout ce qu'il a fait, en sorte que son Verbe demeure infiniment au-dessus du créé. Comme exemple, on peut voir le premier orgueilleux, lequel, quoique au sommet de la création, n'attendit pas la grâce et tomba sans mûrir. Il est d'autant plus clair que les natures moindres ne peuvent contenir mieux qu'il l'a fait ce Dieu qui, n'ayant pas de fin, se mesure en lui-même. Donc, votre vision, qui nécessairement vient de quelques rayons de cette intelligence, qui pénètre et remplit tous les objets du monde, ne saurait se trouver des forces suffisantes pour refuser de voir que son propre principe dépasse de bien loin les bornes du sensible. Et c'est pourquoi la vue accordée aux humains plonge pour pénétrer la justice éternelle, comme fait le regard qui se perd dans la mer et qui peut voir le fond étant sur le rivage, mais non en haute mer. Il n'en est pas moins là, quoique sa profondeur empêche de le voir. Il n'est pas de lumière, à part le ciel serein que rien ne peut troubler. Tout le reste est ténèbres, ou l'ombre de la chair, ou sinon son venin. Voilà l'obscurité dissipée à présent, qui t'empêchait de voir la justice vivante et produisait en toi des doutes si fréquents. Un homme, te dis-tu, qui naquit sur les bords de l'Indu, où le Christ ne lui fut pas prêché, où l'on n'enseigne pas et n'écrit pas sa loi, et dont tous les désirs, tous les actes sont justes, autant que le conçoit notre humaine raison, qui ne pécha jamais en œuvre ou parole, meurt sans avoir la foi, sans être baptisé. Où donc est le bon droit qui le peut condamner? Et quelle est son erreur s'il n'était pas croyant? Mais toi, qui donc es-tu qui veux monter en chair et t'ériger en juge à plus de 1000 milles avec ton jugement qui porte à 2 empans? Évidemment, celui qui voudrait ergoter contre moi trouverait des raisons de douter s'il n'avait à côté l'Écriture qui veille. Ô grossiers animaux, esprits pas trop obtus! La volonté première est bonne par nature, n'a jamais oublié qu'elle est le bien suprême, et tous ceux qui s'accordent avec elle est donc juste, et aucun bien créé ne peut disposer d'elle. C'est elle qui le fait par son rayonnement. Comme au-dessus du nid tourne en rond la cigogne, après avoir donné la pâture aux petits, et que ceux-ci repus la suivent du regard, tel je levais les yeux, et telle s'agitait cette image sacrée, en battant des 2 ailes que tant de volonté mettait en mouvement. Elle traçait des ronds et chantait. Comme toi, tu ne peux pénétrer le sens de ma musique. Telle est pour vous, mortels, la justice de Dieu. L'incendie éclatant que fait le Saint-Esprit finit par s'arrêter, formant toujours l'emblème qui rendit les Romains maîtres de l'univers. Puis il recommença. Jusqu'à notre royaume, nul n'est jamais monté, s'il ne crut pas en Christ, soit avant, soit après qu'on l'eût mis sur le bois. Nombreux sont cependant ceux qui s'écrient « Christ », qui, lors du jugement, s'en trouveront plus loin que d'autres, qui pourtant n'ont pas connu le Christ. Et l'Éthiopien damnera les chrétiens, le jour où l'on verra diviser les 2 cœurs, l'un riche à tout jamais et l'autre misérable. Que pourront dire alors les Perses à vos rois, lorsqu'on leur montrera le grand volume ouvert où de tous leurs méfaits on tient le compte à jour? C'est là que l'on verra, parmi les faits d'Albert, ce fait dernier qui doit venir bientôt s'inscrire et changer en désert le royaume de Prague. C'est là que l'on verra le deuil que sur la scène doit produire, en frappant de la fausse monnaie, celui pour qui la mort s'habillera de couenne. C'est là que l'on verra l'orgueil dont l'aiguillon rend dément l'Écossais aussi bien que l'Anglais et les pousse à sortir de leur juste limite. On verra la luxure et le dérèglement du souverain d'Espagne et du roi de Bohême qui n'a jamais aimé ni connu la vertu. On verra le boiteux roi de Jérusalem noté dans le journal de ses bienfaits d'un « i », tandis qu'il porte un « m » à la colonne en face. On verra l'avarice avec la vilenie de celui qui régit l'île brûlante où vinrent se terminer enfin les errements d'Anchise. Et pour mieux faire voir qu'il ne vaut pas beaucoup, son compte sera fait en sigles abrégés, donnant beaucoup de textes en un petit espace. Chacun y trouvera les œuvres repoussantes et de l'oncle et du frère. Ils ont déshonoré leur illustre maison avec leurs 2 couronnes. Celui de Portugal et celui de Norvège s'y feront bien connaître, et celui de Rassi, qui du coin de Venise eut d'un juste profit. Puisqu'elle n'admet plus qu'on la malmène encore, heureuse la Hongrie, heureuse la Navarre, si la montagne peut lui servir de rempart. Il est à supposer que c'est en guise d'art que déjà Nicosie ainsi que Famagoste se plaignent à grands cris de leur bête sauvage, qui va si bien de pair avec ceux que j'ai dit.